Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 9e conférence de l'Union de la Jeunesse Socialiste Kim Il-sung au Palais du Soleil de Kumsusan, sanctuaire suprême du Juche. Y ont figuré aussi Choi Ryong-hae, Kim Sugil, Kim Nong-ho, Park Tae-sung et Lee Il-hwan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la Jeunesse, Kim Yong-joo, chef de la délégation de l'Union des Jeunes Coréens au Japon, et Kim Yong-nyo, chef de la délégation de l'Association des Jeunes Coréens en Chine. Au nom de tous les participants, un jeune homme et une jeune fille ont offert au camarade Kim Jong-un des bouquets de fleurs en signe de vénération infinie et des vœux des jeunes de tout le pays. Après avoir félicité chaleureusement une fois de plus les participants d'avoir contribué grandement à manifester le prestige de la puissance de la jeunesse en tant que créateur du mythe des jeunes héros qui étonne le monde entier dans tous les secteurs de l'édification d'une puissance socialiste et pionnier de la noble conduite socialiste selon le dessein du parti, le camarade Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec eux. Il a exprimé la certitude que tous les participants à la conférence renforceront à jamais l'union de la jeunesse en celle des grands leaders, en portant haut le drapeau du grand Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, et rempliront à merveille la mission et le devoir de la relève, de l'avant-garde et de la troupe de flanc de notre parti, à la tête de la création de la vitesse de Malima pour l'application de la résolution du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.